tomber dans le puits, crier au secours. Les rêves de nuit me nuisent le jour. Coupe de champagne, vu comme un bal. En pleine campagne, tu vas te traverser. De très longues nuits, dans un grand lit. De fantasmes nourrissent mon esprit. Mon esprit. Après des journées pleines d'ennuis, pendant le sommeil, la nuit s'active. Mes réveils sont liés à minuit. J'épuise des rêveries créatives. Surgissent, on me poursuit. Je tombe, je glisse, je me sens cuit. Avec une amie dans le désert. Pas même amie, ha, c'est la misère. Mes rêves de nuit. Le jour des vies. Où est la vie? J'en crève d'envie. D'envie. Après des journées pleines d'ennui, pendant le sommeil, la nuit active. Mes réveils sont liés à minuit. Et puis des rêveries créatives. Dans une rue vide, des chiens boivent. Je suis libide, seul dans un bois. Je suis algue. Dans une mer bleue, je suis bègue et pas heureux. Mes rêves de nuit, le jour des vies. Où est la vie? J'en crève d'envie, d'envie. Tomber dans le puits, crier au secours. Les rêves de nuit, nuisent à mes jours.